suis dans la voie ta dos. J'étais un premier bout, j'fous tout dans mon sac de j'couille. Et au lycée j'revendais tout. Tu peux venir vérifier, tout ce que j'te dis j'l'ai fait. C'est nous on tenait la gare, et à qui on veut on fait la guerre. Faut que tu saches que dans la vie, ça sera toi contre toi. On a tous deux bras, deux jambes, un cerveau avec deux boules. Mais moi je comprends pas, toi t'es un gros clochard. Tu sais rien faire tes deux mains, mais t'as la bouche pour les pas. J'suis dans la vente à d'or, et mat mes putains de jantes. J'suis dans la vente à d'or, ouverture papillon. J'suis dans la vente à d'or, bébé je sais que t'adores. J'suis dans la vente à d'or, bébé je sais que t'adores. J'suis dans le gamo de luxe, habillé tout en Nike. On gère la boule au ventre, on contrôle la pression. Prends le contrôle du monde, on n'est pas pressé. J'ai augmenté le niveau, faut plus de ma PC. Tu peux croiser ma ganache partout dans les coins. Voleur de téléphone, voleur de Yankee. En période d'été, qui peut vous bien cliquer. Toujours sur le terrain avec ma paire de couilles. 11h, j'fais toute la ville, midi le marché ouf. 15h, les flics arrivent, dis-moi ce que tu veux. Y'a des 10, des 20, de la bleue, des blocs compacts. Bon, sera si tu es le guetteur à l'air. Minute ferme durée, demain rebelote, rebelote, rebelote. Et dimanche, j'suis payé. Oulala, sa mère, des tonnes de GAB. Mais comme j'étais mignon depuis, venez me chercher. Ça m'arrive d'y penser. Quand j'étais inconnu, 4 ans plein sous le raté. La tôle c'était imminent. Tu choisis pas ton passé, mais tu crées ton avenir. Compte pas sur ces enfoirés, tu finiras à néant. J'suis dans la boîte à dents. Dis-moi mes putains de jambes. J'suis dans la boîte à dents. Ouverture papillon. J'suis dans